بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc aujourd'hui, comme la semaine passée, on avait vu la vie de l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah. Aujourd'hui, on va voir la vie d'un autre savant de l'époque des salafs, qui est l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Donc la biographie, elle est basée sur une courte biographie qui est faite par le shir Mohamed ibn Abdel Wahhab al-Aqil, qui est un docteur de l'université de Médine et qui a écrit un livre sur la aqida de l'imam al-Shafi'i. Donc il a commencé par sa biographie. Donc nous, on va suivre ce livre-là et puis je rajouterai des informations qui viennent d'autres livres. Donc on commence par le nom et l'ascendance de l'imam al-Shafi'i. هو محمد بن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب أبو عبد الله القرشي الشافعي المكي نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه. Donc vous avez entendu ici le nom complet de l'imam al-Shafi'i qui s'appelait Mohammed ibn Idris. Et un de ses ascendants, c'est Shafi'a. C'est pour ça qu'on l'appelait Shafi'i. Et Shafi'a, c'était un jeune compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi aussi les ascendants de l'imam Shafi'i, il y a Al-Muttalib ibn Abdi Manaf. Donc Al-Muttalib ibn Abdi Manaf, c'est le frère de Hashim ibn Abdi Manaf. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, descendait de Hashim. Puisqu'il est Mohammed, le fils de Abdullah, le fils de Abd al-Muttalib, qui est lui-même le fils de Hashim, et Hashim c'est le fils de Abdi Manaf. Donc Abdi Manaf, parmi ses fils, il y avait Hashim, dont descend le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et al-Muttalib. Et il y avait aussi Naoufel et Abd Shams. Donc, vous retrouvez dans le nom du fils de Hashim le nom de al-Muttalib, puisque le fils de Hashim, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'appelait Abd al-Muttalib. Pourquoi il s'appelait Abd al-Muttalib, c'est-à-dire serviteur de son oncle, al-Muttalib? C'est parce que c'est al-Muttalib qui s'est occupé de lui dans son enfance. Donc de là, on voit qu'il est de la même famille que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on peut dire que c'est un cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on a dit, Shafi' ibn Sa'ib, donc son ascendant Shafi' auquel on l'assimile en disant al-Shafi'i, c'était un jeune compagnon, ainsi que al-Sa'ib. Le père de Shafi'a, c'était aussi un jeune compagnon, c'était aussi un compagnon qui avait été ennemi des musulmans pendant la bataille de Badr et qui avait été fait prisonnier avec l'Abbas. Et ensuite, il s'est converti à l'islam. Et le surnom, donc le nom, son nom, son laqab, ou plutôt sa kunya, c'était Abu Abdillah. Son prénom, c'était Mohammed, fils de Idris. Et son surnom, c'était Nasirul Hadith. Donc on l'appelait Nasir al-Hadith, celui qui a secouru le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en étudiant sa vie, on va voir mieux pourquoi on l'a appelé Nasir al-Hadith. Donc il est né, rahimahullahu azza wa jal, l'an 150 de l'Hégire. Donc c'est une année particulière. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre l'an 150 de l'Hégire? Voilà, la mort de Al-Nu'man ibn Thabit Abu Hanifa, le premier des quatre imams des quatre grands madhhab, c'est-à-dire des quatre grandes écoles juridiques de l'islam. Donc l'année où Al-Nu'man ibn Thabit rahimahullah Abu Hanifa est décédé, est né l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i rahimahullah. Il est né à Gaza, donc en Palestine. Et en fait, il y a plusieurs versions dans les livres de biographie qui parlent du lieu de naissance de l'imam al-Shafi'i. Certains disent Gaza, c'est le plus authentique. D'autres disent Asqalan, qui est une ville proche de Gaza. Et en fait, il n'y a pas de contradiction, parce que des fois, on pouvait désigner un village par la ville qui se trouve à côté. Donc on dit Asqalan, mais on veut dire par là le petit village de Gaza qui se trouve dans la campagne de Asqalan. Et d'autres versions disent qu'il est né au Yémen. Donc ça n'a rien à voir, mais en vérité, ce qui était voulu par là, c'est qu'il vivait parmi, à Gaza, parmi les Yéménites et les gens originaires du Yémen qui vivaient à Gaza. Donc il n'est pas né au Yémen, mais il est né, on va dire, entre guillemets, dans le quartier yéménite de Gaza, puisque sa mère était Asdiya, de la tribu de Beni Asd, qui est une tribu originaire du Yémen. Donc quand est-ce qu'il a et comment il a commencé à étudier la science religieuse? Donc on va lire ce que le cheikh a dit ici. نشأ الشافعي رحمه الله في غزة يتيما بعد أن مات أبوه فيها فاجتمع عليه الفقر واليتم والبعد عن الأهل لكن كل هذه الأمور لم تضره بعد أن وفقه الله للسير في الطريق الصحيح. Donc l'imam al-Shafi'i a grandi à Gaza orphelin, c'est-à-dire que son père est mort alors qu'il était déjà très petit. Donc il était orphelin et aussi il était pauvre, d'une famille pauvre, et en plus loin de sa famille, c'est-à-dire loin de ses cousins qui sont dans la région du Shah. فبعد أن قدمت به أمه أرض الحجاز وهي مكة على أثر الروايات أو قريبا منها أقبل على حفظ القرآن فيقال إنه أتمه وهو ابن سبع. Donc sa mère ensuite est partie avec lui en terre du Hijaz après qu'il avait 2 ans, comme on va le voir par la suite, et elle est allée avec lui à Mecca pour habiter à Mecca, ou plutôt proche de Mecca. Et c'est là qu'il a commencé son apprentissage dans ce qu'on appelle Al-Kuttab, ce qui est l'équivalent ici l'école primaire ou l'école maternelle, c'est-à-dire l'école des petits. Et il a appris le Coran et il l'a fini à l'âge de 7 ans. وواظب على طلب العلم فحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين وحفظ الموطأ وهو ابن 10. Donc après il a appris aussi par cœur, après avoir fini le Coran, il a appris le Muwatta à l'âge de 10 ans. Et il raconte aussi, l'imam Shafi'i, dans d'autres histoires, qu'il n'avait pas de bien, il n'avait pas d'argent. Et il était obligé de demander qu'on lui donne des supports pour pouvoir écrire, comme des os ou des feuilles, etc. وَأَفْتَى وَهُوَ ابْنُ 15 سَنَةً. Et ensuite, il a commencé l'ifta, c'est-à-dire à faire les fatawa, à l'âge de 15 ans. وَقِيلَ ابْنُ 18 سَنَةً. Et dans une autre version, à l'âge de 18 ans. Donc entre l'âge de 15 ans et 18 ans, il était déjà apte à l'ifta et il a commencé le fatwa. Adhina lahu shaykhuhu Muslim ibn Khalid al-Zanji. Donc c'est son cheikh qui s'appelait Muslim ibn Khalid al-Zanji, qu'on va voir par la suite, qui lui a autorisé de dire les fatwa. وعني بالشعر واللغة وحفظ شعر الهذليين وأقام عندهم نحوا من 10 سنين وقيل 20. Ensuite aussi il faut savoir que l'imam al-Shafi'i, avant tout ça, avant la science religieuse, il a donné énormément d'importance à la poésie, à la langue arabe et à la grammaire, et il vivait parmi al-Hudhaliyyin, la tribu de Houdel, donc des bédouins qui étaient aux environs de la Mecque, et il se mélangeait à eux, et de leur part il a appris la langue arabe pendant à peu près 10 ou 20 ans selon les versions. فتعلم منهم لغات العرب وفصاحتها وسمع الحديث الكثير عن جماعة من المشايخ والأئمة. Donc il a appris de cette tribu la langue arabe et l'éloquence des arabes, et ensuite aussi il a également écouté le hadith et appris le hadith d'un grand groupe de shuyukh et d'imams. وقرأ بنفس الموطأ على مالك من حفظه فأعجبته قراءته وهمته. Il a également lu plus tard le Muwatta sur l'imam Malik, qui a été impressionné par son ambition et aussi par sa lecture et sa mémoire. وأخذ عنه علم الحجازيين بعد أن أخذه عن مسلم بن خالد الزنجي. Et aussi il a pris de la part de l'imam Malik la science des gens du Hijaz, c'est-à-dire de la région de la Mecque et de Médine, après qu'il l'ait pris déjà auparavant à la Mecque de son cher Muslim ibn Khalid al-Zanji. وروى عن خلق كثير وقرأ القرآن على إسماعيل بن قسطنطين عن شبل عن ابن كثير عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي كعب عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et également il a appris donc le Coran avec un des shuyukh du Coran et avec une riwaya bien connue qui remonte jusqu'à Ubay ibn Ka'b et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, tout ça c'est le résumé et on va le relire maintenant plus détaillé. رحلاته في طلب العلم. Donc les voyages qu'il a fait pour étudier la science religieuse. بعد أن حفظ القرآن الكريم بمكة حبب إليه الشعر واللغة فكان يختلف إلى هذيل لحفظ أشعارهم ولغاتهم. Donc après que l'imam al-Shafi'i ait appris le Coran à l'âge de 7 ans à la Mecque ou aux environs de la Mecque, parce que comme on répète, à 2 ans, il est parti de Gaza, Palestine, pour partir habiter à la Mecque Et dans certaines versions, en fait, c'était les environs de la Mecque. Et c'est là qu'il a commencé l'apprentissage que la plupart des petits garçons faisaient à son époque. Et il a appris le Coran à l'âge de 7 ans. Ensuite, l'ambition de l'imam Shafi'i, dans un premier temps, en ce qui concerne l'apprentissage, elle s'est plus tournée vers la langue arabe. Et il s'est approfondi dans la langue arabe. Donc il se mélangeait avec la tribu de Hudayl et il apprenait leur poésie, leur éloquence et la langue arabe. والظاهر أنه حفظ في بداية عمره من شعرهم الشيء الكثير فقد أخرج الأبري أو الأبري من طريق الربيع بن سليمان سمعت الشافعي يقول كنت وأنا في الكتاب أسمع المعلم يلقن الصبي الكلمة فأحفظها. Donc الشافعي a appris énormément des poésies des Arabes et de Hudayl. Et un de ses élèves rapporte que الشافعي disait quand j'étais à l'école primaire, c'est-à-dire l'école des enfants, j'écoutais l'enseignant apprendre une parole à un autre élève et je la mémorisais. قال وخرجت من مكة يعني بعد أن بلغ قال فلزمت هذيلا بالبادية أتعلم كلامها وأخذ لغتها وكانت أفصح العرب. Donc il dit lui-même, ensuite je suis parti et je suis resté avec Hudayl dans al-Badiya, c'est-à-dire dans le désert chez les Bédouins, en dehors de la ville, et j'apprenais leur langage et leurs paroles. Et c'était les Arabes les plus éloquents. وأخرج الحاكم من طريق مصعب الزبيري قال قرأ الشافعي أشعار هذيل حفظا ثم قال لي لا تخبر بهذا أحدا. Donc مصعب الزبيري raconte, il a dit l'imam الشافعي رحمه الله lui a récité des poèmes de la poésie de la tribu de Hudayl de sa mémoire, c'est-à-dire par cœur. Et ensuite, il lui a dit « Ne dis à personne que je connais tout ça dans la poésie. » وَكَانَ يَسْمُرُ مَعَ أَبِي مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ إِلَى الصَّبَاحِ يَتَذَاكَرَانِ وَكَانَ أَوَّلُ أَمْرِهِ يَطْلُبُ الشِّعْرَ وَأَيَّامَ النَّاسِ وَالْأَدَبِ. Et il dit, Moussab al-Zubayri, « Il était avec mon père et il veillait toute la nuit pour réviser l'un avec l'autre, jusqu'au matin. » Donc notamment la langue arabe et les poésies. Et au début de Talab, au début de sa recherche de la science, il a donné de l'importance à la poésie et à Ayyam al-Nas. Ayyam al-Nas, c'est-à-dire les histoires, l'histoire de telle tribu et de tel pays, etc. Et l'adab, l'adab, c'est-à-dire la poésie ou la littérature. ثم أخذ في الفقه والسبب في ذلك أنه كان يسير على دبة له فتمثل ببيت شعر فقال له كاتب كان لوالد مصعب بن عبد الله الزبيري مثل مثلك يذهب بمروءته في هذا أين أنت من الفقه فهزه ذلك وقصد مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة فلازمه ثم قدم المدينة على مالك. Donc ensuite seulement, après toute cette étape dans la langue arabe, il s'est tourné vers le fiqh. Et une des causes qui a été rapportée à ce sujet, c'est toujours Mus'ab ibn Abdillah Zubayri qui nous raconte et qui dit, c'est qu'une fois il était sur son chameau et il a chanté un vers de poème. Et un homme l'a vu, et c'était un scribe du père de Mus'ab al-Zubayri, et il lui a dit, quelqu'un comme toi, il perd sa mouroua. Le mouroua, on avait expliqué ce que c'est l'autre fois. C'est comme s'il disait, tu perds ta dignité dans quelque chose comme ça, dans la poésie. Il dit, et qu'est-ce que tu as avec le fiqh? Qu'est-ce que tu as dans le fiqh? Aina anta min al-fiqh? Qu'en est-il de ton savoir dans ce qui concerne le fiqh? Donc ça l'a réveillé, entre guillemets, ça l'a touché et il s'est tourné vers l'apprentissage du fiqh. Et il s'est accroché à Muslim ibn Khalid al-Zanji, le mufti de la Mecque, jusqu'à ce qu'il ait pris tout son ilm. Et ensuite il s'est tourné dans la deuxième étape du fiqh vers l'imam Malik ibn Anas à Médine. ويروى أن الذي أشار عليه بتعلم الفقه هو شيخه مسلم ibn Khalid al-Zanji. Donc il est aussi rapporté que son cheikh aussi Muslim ibn Khalid al-Zanji lui aussi lui a conseillé l'apprentissage du fiqh. قال الشافعي خرجت أطلب النحو والأدب فلقيني مسلم ابن خالد فقال يا فتى من أين أنت قلت من أهل مكة قال وأين منزلك بها قلت بشعب الخيف قال من أي قبيلة أنت قلت من ولد عبد مناف قال بخ بخ لقد شرفك الله في الدنيا والآخرة ألا جعلت فهمك هذا في الفقه فكان أحسن بك. Donc là il raconte الشافعي رحمه الله. Il dit, j'étais sorti pour apprendre la littérature et la grammaire et j'ai croisé Muslim ibn Khalid al-Zanji. Et il lui a dit, ô jeune homme, d'où tu es? Il lui a dit, je suis de la Mecque. Et il lui a dit, de quel quartier? Il lui a dit, de Shi'abul Khayf. De quelle tribu? Il lui a dit, de Quraysh. Il lui a dit, Allah, c'est-à-dire des enfants de Abdi Manaf, donc une branche de Quraysh. Et il lui a dit, Allah t'a anobli ici-bas et dans l'au-delà. Alors pourquoi ta compréhension, cette compréhension que tu as, pourquoi tu ne la tournes pas vers le fiqh? Ça serait mieux pour toi. Et avant de dire ça, il lui a dit, bourre, c'est-à-dire c'est comme une parole de dégoût. C'est comme s'il lui disait, je suis déçu que quelqu'un comme toi, il se concentre sur la poésie, alors que tu pourrais te tourner vers le fiqh. وأيا كان السبب فإن هذه النصوص تدل على أن الشافعي رحمه الله بعد أن حفظ القرآن رحل إلى هذيل ومنازلها في أطراف مكة ثم بعد أن حفظ أشعارهم ولغتهم حول همته إلى الفقه وتتلمذ على مفتي مكة مسلم بن خالد الزنجي فلما أتقن ما عنده رحل رحلته الأولى إلى المدينة. Donc, quelle que soit la cause qui a tourné l'imam Shafi'i vers le fiqh, en tout cas, l'histoire nous montre que après qu'il ait été assidu à vivre avec Hudayl, la tribu de Hudayl, et bien sûr, le fait qu'il ait passé 10 ans avec eux, ça n'empêche pas qu'il pouvait retourner à Mecca. C'est pas forcément 10 ans ou 20 ans d'affilée, comme on va le voir par la suite. Après ça, il s'est tourné vers le fiqh et vers Muslim ibn Khalid al-Zanji. Et après avoir puisé de lui toute la science, donc qui représentait la science de Mecca, il s'est tourné vers son premier voyage qui a été son voyage vers Médine, c'est-à-dire son premier voyage dans Talab al-Ilm. Il y a beaucoup d'histoires dans ce qui concerne l'imam Shafi'i quand il vivait avec les Bédouins. Par exemple, quand il raconte que quand il a croisé certaines personnes de Hudayl et il a sympathisé avec eux, donc ils l'ont laissé être dans leur groupe et qu'ils sont partis à Médine, c'est-à-dire dans ce voyage qu'on va voir par la suite. Et il disait que dans chaque nuit, il faisait une khatma. C'est-à-dire dans chaque nuit, il lisait le Coran au complet. En voyageant sur son chameau. En 16 jours. Donc en 16 jours, il a fait 16 khatma du Coran. Ça, c'était l'avis de l'imam al-Shafi'i. Sachant que c'était à l'âge de 13 ans. Comme ils le qualifiaient eux-mêmes, les Bédouins, ils disaient, c'est quelqu'un qui n'a pas de barbe encore. Et il raconte plusieurs anecdotes sur son passage avec les Bédouins et sa vie avec les Bédouins. رحلته إلى المدينة. Donc son voyage à Médine. قبل أن يرحل الإمام الشافعي رحمه الله إلى الإمام مالك استعد لذلك اللقاء فحفظ الموطأ عن ظهر قلب وجاء في بعض الروايات أنه حفظه وهو ابن 10 سنين وفي بعضها أنه حفظه وهو ابن 13 سنة. Donc il s'est préparé avant son voyage à Médine pour ne pas arriver comme ça devant l'imam Malik, rahimahullah. Donc qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a appris le Muwatta par cœur. Donc c'est pour ça que dans certaines versions, il est dit qu'il l'a appris à 10 ans, d'autres disent qu'il l'a appris à l'âge de 13 ans, c'est parce qu'en fait il l'a appris avant son voyage dans la ville de Médine. Et il le raconte lui-même. Donc là on va lire ce que l'imam Shafi'i lui-même disait. خرجت من مكة فلازمت هذيلا في البادية يتعلم كلامها وآخذ بلغتها وكانت أفصح العرب فأقمت معهم مدة أرحل برحيلهم وأنزل بنزولهم. Donc là il répète, il dit, je suis sorti de la Mecque et je suis resté assidu à la tribu de Hudayl. J'apprenais leurs paroles et leurs langues alors que c'était les Arabes les plus éloquents. Et je m'arrêtais là où ils s'arrêtaient puisque c'était des Bédouins et je partais quand ils partaient. فلما رجعت إلى مكة جعلت أنشد الأشعار وأذكر أيام الناس فمر بي رجل من الزهريين فقال لي يا أبا عبد الله عز علي أن لا تكون في العلم والفقه هذه الفصاحة والبلاغة. Il dit, quand je suis reparti à Mecca, j'ai croisé un homme de la tribu de Bani Zuhra et il m'a dit, Abu Abdillah, ça me fait mal, entre guillemets, comme on dit en français, ça me fait mal au cœur de voir cette science et cette compréhension de voir que cette fasaha, c'est-à-dire cette éloquence que tu as, et ce don dans la langue arabe, tu ne l'utilises pas dans la science et dans le fiqh. Al-ilm, quand à cette époque il parlait de l'ilm, c'était le hadith en fait qui voulait dire. Et le fiqh, c'est la compréhension des textes religieux, et al-istinbat, c'est-à-dire savoir retirer l'ahkam, des règles religieuses, des textes religieux. Donc il lui a dit, pourquoi ce don, cette intelligence, cette éloquence que tu as, tu ne la tournes pas vers l'ilm, c'est-à-dire vers le hadith et vers le fiqh, qui est la compréhension des textes. قُلْتُ مَنْ بَقِيَ مِنْ مَنْ يُقْصَدْ. Donc l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, lui a répondu, qui reste-t-il parmi les gens vers qui on se tourne? Donc à chaque fois, vous remarquez ici aussi que c'est de l'arabe assez spécial. Par exemple, une des histoires de l'imam al-Shafi'i, quand il raconte quand il était avec les bédouins, et il raconte comment ils mangeaient. Pour dire qu'ils mangeaient sans adab, ils mangent un peu sauvagement, il disait يَأْخُذُونَ بِالْخَمْسَ وَيَدْفَعُونَ بِالْرَحَ. Ça veut dire ils prennent avec 5 et ils poussent avec la pomme. C'est de la belle parole, yani. Ça veut dire ils prennent la nourriture avec leurs mains complètes et ils la poussent dans leur bouche. Mais comment il a dit? Il a dit ils prennent avec 5 et ils poussent avec la pomme. P-A-E-M-E, bien sûr. فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسْ سَيِّدُ الْمُسْلِمِينَ. Donc l'homme il lui a répondu, il y a Malik ibn Anas, le maître des musulmans. قال فوقع ذلك في قلبي وعمدت الى الموطا فاستعرته من رجل بمكه وحفظته. Il dit donc c'est rentré dans mon cœur le fait d'aller voir l'imam Malik et j'ai emprunté le Muwatta à un homme de la Mecque et je l'ai appris par cœur. ثم دخلت على والي مكه فاخذت كتابه الى والي المدينه والى مالك بن انس فقدمت المدينه فبلغت الكتاب او فبلغت الكتاب فلما قرأ والي المدينه الكتاب قال. Donc ensuite, maintenant, il raconte que, avant de partir, le gouverneur de la Mecque, l'émir de la Mecque, il avait une lettre destinée au gouverneur de Médine qui devait, avec cette lettre, aller voir l'imam Malik. Et c'est l'imam al-Shafi'i à qui on a confié, donc qui était âgé de 13 ans, à qui le gouverneur de la Mecque a confié cette lettre. Et quand il a transmis la lettre au gouverneur de Médine, il lui a dit « Ya Bunay, إن مشي من جوف المدينة إلى جوف مكة حافيا راجلا أهون علي من المشي إلى باب مالك فإني لست أرى الذل حتى أقف على بابه. Ça répète ce qu'on disait la semaine passée sur l'imam Malik. L'émir de Médine, il lui a répondu, fiston, le fait que je marche du centre et du cœur de Médine au cœur de Mecca, donc plus de 400 km, à pied et sans sandales, ils disent, pour moi, c'est plus facile que de marcher jusqu'à la maison de Malik ibn Anas et d'attendre devant sa porte. Parce que je n'ai jamais connu l'humiliation, sauf devant sa porte. On a vu pourquoi la semaine passée. فَقُلْتُ إِنْ رَأَ الْأَمِيرُ أَنْ يُوَجِّهَ إِلَيْهِ لِيَحْضُرْ فَقَالَ هَيْهَتْ. Donc, Shafi'i, il lui a dit, pourquoi tu n'envoies pas l'émir? Il lui a parlé avec respect. Il dit, pourquoi l'émir, en lui parlant à lui, n'envoie pas quelqu'un pour le faire ramener? Et il lui a dit, hayhat, il lui a dit, jamais, on ne fera pas ça. Layta anni in rakibtu ana wa man ma'i wa asabana turab al-aqiq yaqdi hajatana. Donc là, il lui a dit, si seulement je pouvais partir, moi et quelqu'un qui m'accompagne, il lui a fait comprendre de venir avec lui. Fawa'adtuhu al-asra wa qasadnahu. Donc il dit, je lui ai donné rendez-vous au asr du lendemain, et nous sommes partis vers l'imam Malik. Fataqaddama rajulun. Donc il dit, on est parti, on a tapé à la porte et une esclave noire est sortie vers nous. L'esclave, elle est rentrée et elle a mis du temps. Ensuite, parce qu'il lui a dit, dis à ton maître, c'est-à-dire à Malik, que je suis là. L'émir de Médine, il est là. Donc elle est rentrée et quand elle est ressortie, elle lui a dit, mon maître, il te dit, si c'est pour une question, mets-la-moi dans une feuille pour que la réponse, elle te revienne. Et si c'est pour le hadith, tu connais le jour où je fais le hadith, alors pars, fan sarif. Donc tu pars. L'année, tu reviens quand c'est le rendez-vous du hadith. فَقَالَ لَهَا قُولِ لَهُ إِنَّ مَعِي كِتَابُ وَالِي مَكَّةُ فِي مُهِمٍ فَدَخَلَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ وَفِي يَدِهَا كُرْسِيٌ فَوَضَعَتْهُ فَإِذَا بِمَالِكٍ شَيْخٌ طِوَالٍ قَدْ خَرَجَ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ وَهُوَ مُتَطَيْلِسٌ. Donc elle, il a dit, l'imam Shafi'i, le gouverneur, il a dit à cette femme, dis-lui que j'ai une lettre du gouverneur de la Mecque pour quelque chose d'important. Donc elle est rentrée et elle est ressortie avec une chaise qu'elle a posée, et c'est là que l'imam Malik il est sorti. Et l'imam Shafi'i le décrit en disant c'était un shirk qui était grand et qui avait le mahaba, comme on a vu l'autre fois. C'est-à-dire il fait peur, il impose le respect. Et il avait toilusan, c'est-à-dire il avait un manteau persan sur lui. فدفع إليه الوالي الكتاب فبلغ إلى قوله إن هذا الرجل شريف من أمره وحاله فتحدثه. Donc il a lu la lettre de l'émir de Mecca, qui était en fait une recommandation pour le jeune Mohamed ibn Idris. Et dans cette lettre, il a lu l'imam Malik, donc il lisait à voix haute, il lui a dit, cet homme est un homme noble, et il a c'est quelqu'un de noble, donc il faudrait que tu lui dises le hadith, que tu lui apprennes. فرمى الكتاب من يده وقال يا سبحان الله قد صار علم رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ بالوسائل. Donc l'imam Malik il a jeté la lettre quand il a entendu ça et quand il a lu ça et il a dit subhanallah. Il dit voilà que la science du messager d'Allah maintenant on la prend avec des intermédiaires, avec du piston. قال فرأيت الولي وهو يهابه أن يكلمه. Et l'imam Shafi'i dit donc j'ai regardé le gouverneur de Médine et j'ai vu qu'il n'osait pas parler et il n'osait pas répondre à l'imam Malik. فتقدمت إليه فقلت أصلحك الله إني رجل مطلب من حالي وقصتي فلما أن سمع كلامي نظر إلي ساعة وكانت لمالك فراسة فقال لي ما اسمك فقلت محمد قال يا محمد اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن من الشأن. Donc l'imam Shafi'i lui a pris la parole et il a dit à l'imam Malik أصلحك الله, qu'Allah t'améliore entre guillemets. Il lui a dit, je suis un homme de Bani al-Muttalib, un descendant de al-Muttalib. Et lorsqu'il a entendu al-Shafi'i dire ça, l'imam Malik l'a regardé pendant un petit moment. Et quand al-Shafi'i raconte, il dit, l'imam Malik, il avait le firasa, la physionomie, c'est ça. Donc il l'a regardé un moment, il lui a dit, comment tu t'appelles? Il a dit, Mohamed. Et il lui a dit, oh Mohamed, crains Allah et écarte-toi des péchés, car bientôt, c'est-à-dire bientôt tu seras connu, tu seras quelqu'un d'important. فَقُلْتُ نَعَمْ وَكَرَامَ. Il lui a dit d'accord. وَكَرَامَ, يعني c'est bien. فَقَالَ إِذَا كَانَ غَدًا تَجِيءُ وَيَجِيءُ مَنْ يَقْرَأُ لَكَ الْمُوَطَّ. Donc il lui a dit, viens demain et il viendra quelqu'un qui te récitera الْمُوَطَّ. فَقُلْتُ إِنِّي أَقْرَأُهُ ظَاهِرًا. Il dit, moi, je vais le lire. قال فغدوت إليه وابتدأت فكلما تهيبت مالكا وأردت أن أقطع أعجبه حسن قراءتي وإعرابي يقول يا فتى زد حتى قرأته عليه في أيام يسيرة. Il dit donc je suis parti comme prévu chez l'imam Malik, c'est-à-dire le lendemain, et à chaque fois que j'avais honte de lui et que je voulais arrêter de réciter le Muwatta, parce que vous avez compris pourquoi, parce qu'il a honte de l'imam Malik, donc pour pas être trop long, au bout d'un moment, il veut s'arrêter de lire, et à chaque fois qu'il va s'arrêter, l'imam Malik lui dit Zid ya fata. Il lui a dit continue, jeune homme. Pourquoi? Parce qu'il aimait le langage et la lecture de l'imam Shafi'i, qui ne se trompait pas dans les A ou I, etc. Et qui lisait le Muwatta comme il doit être lu, et il aimait donc sa façon de lire. Thumma aqamtu, donc il a lu le Muwatta complet en quelques jours devant l'imam Malik. Donc il faut savoir que quand on dit, par exemple, qara'a al-shaykh, une des façons à l'époque d'apprendre le hadith, et c'était la façon que pratiquait l'imam Malik et qui était très connue au Hijaz, c'est que c'est l'élève qui récite le livre. C'est-à-dire que l'imam Malik, pendant des années, il ne récitait pas de hadith. Ces hadiths, il les a récités, on les a écrits, et maintenant, c'est l'élève, comme on l'a vu l'autre fois. C'est son lecteur ou un élève qui lit les hadiths. Et lui, il est présent et les élèves, ils écoutent et ils notent. Donc l'imam Malik, lui, en fait, il ne parle pas. Ou alors l'élève, comme ici avec l'imam Shafi'i, il fait l'ard al-shaykh, c'est-à-dire il expose le livre au shaykh. Et le shaykh va lui corriger sa lecture, et après il lui permet de transmettre ce livre, ou de transmettre tel ou tel hadith. C'est pour ça, des fois, ils disent par exemple, « An malikin » ou « An fulan qira'atan »« Qara'atu ala fulan » Donc je transmets cela, c'est-à-dire c'est quelque chose que j'ai lu devant lui. Ou alors, qara'tu ala fulan, j'ai lu devant un tel. ثم أقمت بالمدينة إلى أن توفي مالك بن أنس رضي الله عنه ثم ذكر خروجه إلى اليمن. Et il dit ensuite, je suis resté à Médine jusqu'à ce que soit mort l'imam Malik, rahimahullah. Et ensuite, il s'est dirigé vers le Yémen. Donc l'imam Malik, il est mort alors que, en quelle année? Vers à peu près 179. Donc l'imam al-Shafi'i, à ce moment-là, il avait 29 ans. Donc de son adolescence jusqu'à l'âge de 29 ans, il s'est accroché à l'imam Malik, rahimahullah. Mais ce n'était pas le fait qu'il habitait à Médine, ce n'était pas continu. Des fois, il coupait et il partait, soit rejoindre encore Hudayl, la tribu de Bédouins, près de la Mecque, ou alors à Mecca, voir sa mère. Et à ce moment-là, il apprenait aussi avec son premier cheikh, Muslim ibn Khalid al-Zanji, et aussi avec un grand imam de l'époque de l'imam Malik, qui était un des équivalents de l'imam Malik, de Layth ibn Sa'd, qui était Soufiane ibn Uyayna, un des grands imams de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc ça, c'était la période, on va dire, la période du Hijaz pour l'imam al-Shafi'i. والظاهر أن بقاءه في المدينة لم يكن متصلا بل كان يعود إلى مكة لزيارة أمه وكان في عودته يسمع بعض أشعار الهذليين ويسمع من علماء مكة. Donc là, c'est ce qu'il dit ici, c'est que il ne restait pas à Médine continuellement, mais souvent il revenait à Mecca, premièrement pour voir sa mère, et à ce moment-là il écoutait les shuyukh de Mecca, et aussi pour aller voir les bédouins de Hudayl et pour écouter leur poésie. والذي تدل عليه الروايات أن الإمام الشافعي خرج إلى المدينة وعمره 13 سنة أي حوالي سنة 63 و100 وصار يتردد بينها وبين مكة وبين هذيل وإن كانت أكثر إقامته بالمدينة عند الإمام مالك إلى أن توفي الإمام مالك رحمه الله سنة 79 و100. Donc là, c'est ce que je venais de dire en français. فعاد بعد ذلك بعد أن حصل أو حصل من علم الإمام مالك الشيء الكثير وبدأ صيته يرتفع وعرف أمره بالعلم وعمره 29 سنة تقريبا. Donc à partir à peu près de la mort de l'imam Malik, quand il est revenu à Mecca, il avait déjà une grande réputation. Et c'est là que sa réputation elle a commencé à s'élever pour sa science. Et à ce moment-là, il avait à peu près 29 ans. Donc ça, c'est important dans la vie de l'imam Shafi'i, parce qu'on va voir que, on sait qu'à cette époque, le climat de la science de cette époque, il est tranché entre deux grands mouvements, au sein même de Ahl Sunnah wal Jama'a. Ahlul Ray, les gens de l'opinion en Irak, ou Ahlul Hadith, qui était surtout concentré au Hijaz. Donc l'imam de Ahlul Hadith est le plus grand représentant à cette époque, c'est l'imam Malik. Et le grand représentant de Ahlul Ray, c'est celui qui est mort l'année où l'imam al-Shafi'i est né, qui est Abu Hanifa. Et c'est ses deux élèves, Abu Yusuf al-Qadi et Muhammad ibn Hassan al-Shaybani, qui ont repris ce madhab de Ahlul Ray. Donc, c'est-à-dire un madhab qui est plus basé sur le qiyas et l'istinbat, c'est-à-dire la réflexion, la comparaison, que sur le hadith. Donc c'est important de voir que l'imam al-Shafi'i, lui, c'était min ahli al-hadith, dans le fiqh. Et c'est comme ça qu'il a grandi. Il a grandi avec Ahlul Hadith. C'est pour ça que plus tard on va voir qu'il s'est fait appeler, c'est-à-dire les gens l'ont appelé Nasirul Hadith. Puisque quand il est parti en Irak, il a longuement débattu avec les gens du Rai, de l'opinion, jusqu'à en convaincre beaucoup. Et il a revivifié en quelque sorte le madhab de Ahlul Hadith, notamment en Irak. رحلته إلى اليمن. Donc maintenant on va voir son voyage vers le Yémen. Après qu'il a appris la langue arabe dans les alentours de Mecca, puis le fiqh et la fatwa à la Mecque, puis le fiqh et le hadith à Médine, il est parti au Yémen. بعد رجوعه إلى مكة من المدينة اشتغل بالعلم وكان الفقر يمنعه من تحصيل كتب العلم وكانت نفسه تطلع إلى تحصيل مزيد من العلم وهذا شأن العلماء الذين رزقهم الله حلاوة العلم لا يشبعون منه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من همان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا. Donc l'imam al-Shafi'i, après son retour donc à Mecca, et après la mort de Malik, il a continué dans Talab al-Ilm, mais il était empêché par la pauvreté. Il ne pouvait pas acquérir les livres dont il avait besoin pour apprendre la science. Or, il avait soif de science. Et le cheikh dit, pour commenter, que ça c'est le cas des savants qui ont goûté le délice de la science et ne sont jamais rassasiés de la science. Comme il est dit dans un hadith, il y a deux personnes qui ne sont jamais rassasiées, celui qui recherche la science et celui qui recherche la dunya. وهنا تاقت نفسه وتطلعت إلى علم أهل اليمن وكان بقي من أصحاب ابن جريج هشام بن يوسف ومطرف ابن مازن وهما من كبار أصحاب ابن جريج وكان ابن جريج أخذ العلم عن عطاء. Donc il a dit, son ambition elle s'est tournée maintenant vers la science des gens du Yémen. Et au Yémen il restait des grands élèves de Ibn Jureyj. Ibn Jureyj qui est lui aussi un des grands représentants de Ahl Sunna, de Ahl al-Hadith et un des grands imams de l'Islam parmi la génération de Atba' al-Tabi'in. Donc il était déjà décédé, mais il restait ses deux grands élèves, Hisham ibn Yusuf et Mazin ibn Mutarrif, ou plutôt Mutarrif ibn Mazin. Et pour remonter plus haut, Ibn Jurayj, leur shir, lui-même était un élève de Ata ibn Abi Rabah, sachant que dans la génération des Tabi'in, Atta faisait partie des grands muftis avec Al-Hassan al-Basri, Muhammad ibn Sirin, Taous, Ibrahim al-Nakhai en Irak, etc. Donc Atta lui représentait la fatwa à l'époque des Tabi'in et la science du côté du Yémen. Donc là il se tourne vers un autre héritage encore et une autre direction au niveau de la science. ولكنه لضيق ذات اليد لا يستطيع السفر الى اليمن وكان قد سمع ان بها علوما شتى كعلوم الفراسه ونحوها فتشوق للسفر اليها وعرف هذا من كان يخالطه من خصته. Donc malheureusement il ne pouvait pas voyager au Yémen à cause de la pauvreté, mais il avait entendu qu'au Yémen il y avait beaucoup de sciences et notamment ilm al-firasa, la physionomie, qui l'intéressait. ولذلك لما ولي أو ولي بعض الطالبيين اليمن مشت أمه إلى بني عمه ليكلموه ليصحبه معه إلى اليمن فوافق ولم يكن عندها ما تعطيه فرهنت دارها بستة عشر أو بستة عشر دينارا وأعطته إياه. Donc quand sa mère a vu l'ambition de son fils qui était âgé de 29 ans, et l'émir du Yémen c'était un talibi, un descendant de Abu Talib, donc un cousin de l'imam Shafi'i, même de façon lointaine, mais un proche, c'était un Qurashi. Donc quand cet émir est venu à Mecca, sa mère, elle s'est tournée vers ces gens-là. Et elle leur a dit que voilà mon fils, qui est un de vos cousins, il voudrait étudier la science, mais il n'a rien. Et donc elle a demandé qu'il le prenne avec eux. Et pour l'aider, pour lui donner de l'argent, elle a pris une dette de 16 dinars, 16 pièces d'argent, et elle a mis en hypothèque pour cette dette sa propre maison. Rahimahallah. En hypothèque, qu'est-ce que ça veut dire ? Al-Rahm. C'est-à-dire que si elle ne peut pas rembourser sa dette, la personne, elle garde, elle prend sa maison. Donc elle a mis sa maison en hypothèque pour pouvoir aider son fils, Mohamed, en lui donnant 16 pièces d'or, pour qu'il, 16 pièces d'argent, pour qu'il puisse partir au Yémen. Et elle a intercédé auprès des gens, donc des talibiyin, les descendants d'Abu Talib, qui étaient gouverneurs du Yémen. Donc la mère de l'imam al-Shafi'i aussi, elle était connue pour son adab, c'est-à-dire son comportement, et aussi pour sa sagesse. Et certains historiens, ils disent que s'il revenait souvent à Mecca, c'était non seulement pour la visiter, mais aussi pour prendre conseil de sa mère. فَلَمَّا قَدِمْنَا الْيَمَنِ اسْتَعْمَلَنِي عَلَى عَمَلٍ فَحُمِدْتُ فِيهِ فَزَادَ فِي عَمَلِي. Donc quand il est parti au Yémen, finalement ce gouverneur, il l'a placé à un poste. Donc Shafi'i, pendant cette période de sa vie, il va lui-même être gouverneur. C'est-à-dire pas forcément grand gouverneur, mais il a eu un poste dans la gouvernance du Yémen. Et il, comme il dit, Humidtu fi amali, j'ai été loué dans mon travail. C'est-à-dire sa façon de se conduire dans son travail, ça a plu à ceux qui l'avaient placé là et il plaisait aux gens. وقدم العمال مكة في رجب فأثنوا علي وصار لي بذلك ذكر. Et dit, or les gouverneurs du Yémen, pendant le mois de Rajab, certains étaient revenus à Mecca et ils ont commencé à répandre une bonne réputation à Al-Shafi'i. Là, c'est lui-même qui raconte. Pourquoi? Parce qu'il était connu dans sa façon de gouverner pour être juste et pour ne pas donner davantage à un pauvre sur un riche, à un fort sur un faible, à un noble sur un esclave, etc. Et d'autres historiens disent aussi qu'en fait au Yémen à ce moment-là, le gouverneur c'était quelqu'un d'injuste. Pas celui qui a été Shafi'i, mais un autre qui était proche de lui dans la région de Najran, puisque Shafi'i à ce moment-là était à Najran au Yémen. Et Shafi'i faisait tout son possible toujours pour empêcher et arrêter l'injustice de cet autre gouverneur qui était pourtant au-dessus de lui. Donc il essayait toujours d'arranger les affaires et de défendre ceux qui avaient subi des injustices, les pauvres, les faibles, etc. C'est pour ça que sa réputation elle a grandi et c'est arrivé jusqu'à la Mecque. فَقَدِمْتُ مِنَ الْيَمَنِ. Donc maintenant il raconte que après que cette réputation ait grandi pour lui, lui-même une fois il est revenu à Mecca, parce qu'en fait il faisait des allers-retours entre le Yémen et la Mecque. فلقيت ابن أبي يحيى وقد كنت أجالسه. Et là il a rencontré Ibn Abi Yahya qui faisait partie de ses chouyours à Mecca. Et comme il dit ici, c'était quelqu'un avec qui j'avais eu l'habitude de m'asseoir, c'est-à-dire c'était un de ses professeurs. فسلمت عليه فوبخني وقال تجالسوننا وتصنعون فإذا شرع لأحدكم شيء دخل فيه أو نحو هذا الكلام. Et quand il a dit salam à Ibn Abi Yahya, Ibn Abi Yahya l'a blâmé. Il lui a dit, vous vous asseyez avec nous et après vous faites ça, c'est-à-dire vous prenez des postes de gouverneur, parce que pour eux c'était mal vu. Donc il l'a blâmé. قال فتركته. Il dit, je l'ai délaissé et je me suis détourné. ثم لقيت سفيان بن عيينة فسلمت عليه فرحب بي وقال قد بلغني ولايتك فما أحسن ما انتشر عنك وما أديت كل الذي لله تعالى عليك ولا تعود. Là il rencontre ensuite son cheikh Sufyan ibn Uyayna qui lui a rahaba bihi, il l'a bien accueilli et lui a dit, il m'est parvenu que tu as eu un poste de chef au Yémen et ce qui m'est parvenu de toi c'est vraiment excellent, c'est-à-dire la façon dont tu t'es comporté et apparemment tous les droits d'Allah qui étaient sur toi et toutes tes responsabilités tu t'en es bien acquitté. Et après il lui a dit deux mots, wala ta'oud. Et ne le refait pas. Donc son conseil, il était plus doux que le conseil de Ibn Abi Yahya. قال فجاءت موعظة سفيان إياي أبلغ مما صنع ابن أبي يحيى. Et il dit, le conseil que m'a fait et l'exhortation qu'il m'a fait Sufyan ibn Uyayna, donc dans le fait de délaisser les responsabilités, puisque c'était mal vu pour les gens de science et les étudiants, il dit, elle est mieux passée que de la façon qu'a fait Ibn Abi Yahya. ثم ذكر رجوعه إلى اليمن وذكر بعض أعماله وحرصه على إشاعة العدل وحرصه على طلب العلم. Donc ensuite, Al-Shafi'i raconte aussi que donc comment ça s'est passé son séjour au Yémen et comment il a gouverné les gens et en même temps aussi il apprenait la science. C'est-à-dire il a profité, le fait d'avoir été employé au Yémen, c'était pour lui le prétexte d'aller là-bas. Mais sa responsabilité, il l'a bien tenue. Son poste, il l'a bien fait, mais il n'a pas oublié la raison pour laquelle il était venu à la base. Et donc, il faisait talab al-ilm. Il étudiait la science du Yémen. حتى شاع ذكره بين الناس وربما حسده لذلك أهل الدنيا أو خافوا من ميل الناس له أن يحدث انقسام في الدولة. Et donc, certains gens de dunya, certaines personnes ont commencé à être jaloux de l'imam Al-Shafi'i et ils ont peur qu'il amasse trop de gens autour de lui et qu'il arrive à diviser dans la Daoula, puisque Daoula à cette époque c'était Daoula Al-Abbasiyya, donc les Abbasides qui avaient pris le pouvoir par la force. Donc ce genre de cette dynastie, à chaque fois qu'ils voyaient un endroit, un foyer de rébellion, ils le mataient tout de suite. Donc c'était des périodes où la politique, ça rigolait pas. C'est-à-dire, ils mataient tout de suite les rébellions, et les moindres indices de signes de rébellion, ils les mataient tout de suite. Je vous dis ça pour que vous compreniez ce qui va se passer après. Donc, certaines personnes jalouses de l'imam Shafi'i ont eu peur que justement, il amasse trop de voix avec lui, trop de gens, et trop de force. Et qu'il ait réussi à faire, s'il le voulait, des divisions au sein du pouvoir. Alors que bien sûr, l'imam Shafi'i, c'était pas du tout son ambition. ولذلك كتب بعض قواد هارون الرشيد إلى هارون كتابا يخوفونه فيه من شأن العلويين وأن عندهم رجلا يقال له محمد بن إدريس يعمل بلسانه ما لا يعمل المقاتل بسيفه فإن كانت لك بالحجاز حاجة فاحملهم منها. Donc certains responsables de Harun al-Rashid, qui était le calife à ce moment-là, ont écrit une lettre à Harun al-Rashid. Et ils lui ont dit, donc ils se sont plaints de ce qu'on appelle Al-Alawiyyin. Je pense qu'en français on dit les Alawites. En fait, c'est les descendants de Ali. Donc, il faut savoir qu'il y avait donc beaucoup de problèmes entre les descendants d'Ali et les descendants d'Abbas, qui eux avaient le pouvoir à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'ils craignaient toujours que les descendants d'Ali disent, finalement, si vous avez pris le pouvoir en disant on le prend parce qu'on est des descendants d'Abbas, ben nous on n'est plus en droit de l'avoir puisqu'on est carrément des descendants d'Ali qui est plus proche du prophète que, sallallahu alayhi wa sallam, que Abbas. Donc c'est pour ça que tous les foyers et les suspicions de rébellion qui pouvaient venir des Alawiyyin, des descendants d'Ali, les Abbasides, ils les mataient tout de suite. Donc eux, ils ont écrit une lettre. Certaines personnes, ils ont écrit une lettre donc à Harun al-Rashid en lui disant voilà, qu'il craignait pour lui Al-Alawiyyin au Hijaz, dans la région de Mecca et de Médine. Et qu'avec eux, il y avait un Qurashi, donc qui n'est pas Alawi, qui n'a rien à voir, qui fait avec sa langue ce que eux ne feront pas avec leur sabre. Donc si ça t'intéresse encore la région du Hijaz, enlève-les de cette région. Donc en fait, les gens, pour comploter contre l'imam Shafi'i et par jalousie, ils l'ont mis dans ce trouble politique entre les Alawites et les Abbasides, alors qu'en vérité, il n'avait rien à voir. فحمل مقيدا إلى العراق مع بعض العلويين. Et donc on l'a transporté en Irak, emprisonné, enchaîné avec les Alawites. هذه قصة ذهابه لليمن مختصرة وهي تدل على أنه كان يرجع في مدة إقامته باليمن إلى مكة. Donc ça c'est en résumé l'étape de son voyage au Yémen, qui nous montre que régulièrement il revenait, comme quand il était à Médine, il revenait régulièrement dans la ville de la Mecque. Donc maintenant on va voir l'épreuve qu'il a subie. Comme on a vu la semaine passée l'épreuve de l'imam Malik, ici on va voir l'épreuve qu'a vécu l'imam al-Shafi'i. لما وصل الكتاب إلى الرشيد بشأن العلويين ومعهم الشافعي كتب الرشيد إلى والي اليمن بحمل العلويين فحملوا وحمل معهم الشافعي مكبلا بالحديد والله أعلم بما قاساهم في الطريق إلى العراق من عذاب. Donc lorsque la lettre est parvenue à Harun al-Rashid, donc vous vous souvenez de Harun al-Rashid, c'est celui qui avait été voir l'imam Malik, et l'imam Malik lui disait descendre la chaise, etc. Ou alors il avait demandé à l'imam Malik qu'il vienne pour lui apprendre Muwatta, et il lui a répondu la science, on va vers elle, c'est pas elle qui vient. Donc c'est ce même Harun al-Rashid qui va faire subir une épreuve à Shafi'i, mais sans vraiment comprendre, sans vraiment le faire exprès, entre guillemets. Donc quand le courrier il est arrivé à Harun al-Rashid, il a écrit donc au responsable du Yémen et au gouverneur du Yémen de transporter tous les fonctionnaires alawites et parmi eux le Qurashi. Donc al-Shafi'i a été transporté avec eux et il était enchaîné par des chaînes de fer. Et il a vécu beaucoup de... Donc vous vous imaginez le voyage du Yémen jusqu'en Irak en étant prisonnier. Donc il a vécu énormément d'adhab, il y a de souffrance dans ce voyage. فلما وصل الركب المعذب الى العراق ادخلها على هارون الرشيد. Donc ensuite ce groupe de personnes tout entier sont entrés chez ou plutôt on les a fait entrer chez Harun al-Rashid. Donc il y a plusieurs riwayats, c'est-à-dire plusieurs récits qui racontent comment al-Shafi'i est arrivé avec al-Alawiyyin chez Harun al-Rashid. Et là il faut attirer l'attention sur le fait que il y a un faux récit qui dit que quand al-Shafi'i est arrivé, enchaîné devant Harun al-Rashid, il y avait avec Harun al-Rashid al-Qadi Abu Yusuf et Muhammad ibn Hassan al-Shaybani, qui sont les grands élèves d'Abu Hanifa. Et ce récit, il contredit tous les autres récits, et c'est un récit inventé pour preuve tout simplement que l'année où ça s'est passé, Abu Yusuf il était déjà mort. Puisque comme il le dit le cheikh ici, il est mort en 184. et l'histoire elle se passe après ça. Donc c'est une histoire inventée. Et on va voir qu'au contraire, il y avait Mohammed ibn Hassan al-Shaybani. En fait, j'ai pas dit toute l'histoire complète. La fausse histoire, c'est qu'ils étaient là et qu'ils ont poussé Harun al-Rashid à tuer al-Shafi'i. Pourquoi ? Parce qu'il représentait une menace pour leur madhab et une contradiction au madhab d'Abu Hanifa. Donc ça, c'est des histoires que inventent ce qu'on appelle muta'assibatu al-madhahib. Les gens qui suivent aveuglément et qui sont aveuglément accrochés aux écoles juridiques, comme l'Ahnaf ou Shafi'iyya ou Malikiyya, c'est ce genre de personnes qui inventent ces histoires pour dire qu'un madhab il est mieux que l'autre, qu'un madhab il a battu l'autre, comme si les madhabs entre eux, les uns ou les autres, ils n'étaient pas de l'islam. Donc ça c'est une des musibas, une des catastrophes qu'a entraîné al-ta'assub, le fait d'être accroché aveuglément à ces madhab. Donc là on va écouter l'imam Shafi'i lui-même raconter son histoire avec Harun. Qala فأدخلنا على هارون الرشيد عشرة عشرة. Donc il dit on nous rentrait par dizaines, à chaque fois par groupe de 10 devant Harun al-Rashid. وقد مضى أكثر الليل فجعل يقيم منا واحدا واحدا فيتكلم من وراء الستر فيأمر بضرب عنقه حتى انتهى ذلك إلي. Donc il les faisait ensuite un par un passer devant lui et il était derrière un voile et il leur parlait et il disait à son soldat, coupe-lui la tête, coupe-lui la tête, coupe-lui la tête. Et il les faisait défiler comme ça. Donc la nuit, elle est presque entièrement passée, jusqu'à ce que soit arrivé le tour de l'imam al-Shafi'i. فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدُكَ وَخَادِمُكَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِي فَقَالَ اِدْرِبْ عُنُقَهُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقُولُ وَتَسْمَعْ وَيَدُكَ الْبَاسِطَةُ وَسُلْطَانُكَ الْمَنِيعُ وَلَا يَفُوتُكَ مِنِّي مَا تُرِيدُ قَالَ قُلْ. Donc quand c'est arrivé au tour de l'imam al-Shafi'i, il lui a dit « Ô Amir al-Mu'minin, ô commandeur des croyants, je suis ton serviteur, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. » Et il a dit à son soldat « Coupe-lui la tête. » C'est-à-dire il ne l'a pas écouté. Et il lui a dit « Ô Amir, Amir des croyants, ô chef des croyants. » Donc regardez, même dans ce genre de mihna, où le gouverneur il va lui couper la tête, il garde le respect avec lui. Il ne dit pas « Il est kafir, il ne dit rien du tout. » Il garde encore le respect. Il lui dit « Ana khadimuk, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. » Il lui a dit donc « Ô chef des croyants, je parle et tu m'écoutes. Et tu as une main généreuse et tu as un pouvoir fort. Et ce que tu veux de moi ne te manquera pas. » Donc c'est comme s'il lui fait une proposition. « Écoute ce que j'ai à te dire. » Il lui a dit « Parle. »« Qultu ya amir al-mu'minin, ka annaka ittahamtani bil inhirafi ank wal mayli ila haula il qawm. » Il lui a dit « Ô chef des croyants, apparemment tu m'accuses de me dévier de toi, c'est-à-dire de ton obéissance, qui est un droit qu'il avait Harun al-Rashid sur tout musulman. » Donc il lui dit « Apparemment tu m'accuses d'être dévié de toi et de pencher vers ces gens, c'est-à-dire les descendants d'Ali. » Il dit « Et je vais te donner une parabole. » Je vais te faire un exemple, une parabole de ta situation et de ma situation et ces gens-là. Ma yaqulu amir al-mu'minin fi rajulin lahu abna'u 'am. Il dit, que dis-tu ô chef des croyants sur un homme qui a des cousins? Ahaduhuma khalatahu bi nafsihi wa ashrakahu fi nasabihi wa za'ama annahu mithluhu wa anna malahu haram illa bi idhnihi wa anna ibnatahu haramun 'alayhi illa bi taswijihi. Il lui a dit, un de ses deux cousins, donc un homme a des cousins, un des cousins, il le voit comme sa propre personne, il est avec lui dans ses affaires, il dit aux gens son cousin il est comme lui, que ses biens sont sacrés, que sa fille, il ne peut l'avoir que si lui il lui donne en mariage, etc. C'est-à-dire, il le respecte. Et un autre cousin, والآخر زعم أنه دونه وأنه في النسب أعلى منه. Et l'autre, il lui dit qu'il est inférieur à lui. Et que lui, dans son ascendance, dans son affiliation, il est au-dessus de lui, il est plus noble que lui. وأنه عبده. Et que lui, là, c'est-à-dire cet homme, vous suivez, il a deux cousins. Il y en a un qui lui a dit ça, l'autre maintenant, il lui dit, t'es en dessous de moi, t'es moins noble que moi. « T'es mon esclave. » وأن ابنته أمته ta fille, c'est ma servante, وَأَنَّهَا تَحِلُّ لَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ, et elle m'est permise sans ta permission, وَأَنَّمَا لَهُ لَهُ, et tes biens ils m'appartiennent. Donc il lui dit, voilà, imagine un homme, il a deux cousins, l'un il le traite comme ça, l'autre il le traite comme ça. فَلِمَنْ تَرَاهُ يَتَوَلَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَهَذَا أَنْتَ وَهَؤُلَا. Il lui a dit, tu penses que cette personne, elle va s'allier avec qui dans ses deux cousins? Il dit, bien voilà ton exemple et l'exemple de ceux-là. Pourquoi? Parce que Al-Alawiyoun, les descendants d'Ali, donc c'était comme une faction politique, ils se voyaient mieux que les descendants d'Abd al-Muttalib, les Abbasiyines, etc. Et ils prétendaient qu'ils sont plus nobles qu'eux et que les autres ils sont en dessous. Alors que l'Abbasiyoun, ils embêtaient pas les autres descendants, que ce soit d'Ali, etc. Par rapport à ça, il ne disait pas on est plus noble ni rien du tout. Donc il lui a dit, toi, t'es un cousin qui me respecte. Eux, ce ne sont pas des cousins qui me respectent. Donc pourquoi je vais me tourner vers eux et je vais te lâcher toi? Alors que vous, vous nous respectez plus que vous les Abbasides, vous nous respectez plus que les Alaouites. Et il dit qu'il lui a fait répéter trois fois. Et il dit à chaque fois, je lui ai répété en formulant la phrase d'une autre façon. Qal ihbisou. Il a dit emprisonnez-le. C'est-à-dire il l'a épargné. Il a dit gardez-le pour un moment. C'est à quelle heure, Aïcha? C'est à quelle heure exactement? 37. Donc on fait jusque 47. Après on fait la veine, l'iqama et on fait un salat. Donc on va passer un petit peu, on continue le récit. Thumma qadimtu wa Muhammad ibn al-Hassan jalisun ma'ahu. Donc il a dit, ensuite, je suis revenu devant donc le chef des croyants et il y avait Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, qui est lui-même un imam, un faqih. فقال لي مثل ما قال للفتى. Et il m'a dit comme il a dit au jeune homme. En fait, il fait allusion à un jeune homme, le dernier qu'il a exécuté, Harun al-Rashid. Et il l'a exécuté sans pitié, puisque le jeune, il lui a dit laisse-moi au moins écrire une lettre à ma mère, etc. Il a dit non, et il lui a coupé la tête. Donc il lui a reparlé comme il a fait à l'autre. فقلت يا أمير المؤمنين لست بطالبي ولا علوي وإنما دخلت في القوم بغيا علي وإنما أنا رجل من بني المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ولي مع ذلك حظ من العلم والفقه والقاضي يعرف ذلك. Donc il lui a dit, ô chef des croyants, je ne suis pas un talibi, je ne suis pas un alawi, et on m'a fait rentrer avec ces gens-là contre mon propre gré. Moi je suis un descendant de Al-Muttalib, fils de Abd Manaf, fils de Qusay. Et en plus, j'ai un certain bagage de science et de fiqh. Et ton juge sait cela de moi. C'est-à-dire cet homme, Muhammad ibn al-Hassan, qui est à côté de toi, c'est ça. Ana Muhammad ibn Idris, ibn al-Abbas, ibn Uthman, ibn Shafi, ibn Sa'ib, ibn Ubaid, ibn Abd Yazid, ibn Hashim, ibn al-Muttalib, ibn Abd Manaf. Faqala li anta Muhammad ibn Idris. Donc il lui a dit, je suis fils d'un tel, jusqu'à remonter à Abdou Manaf. Et là Harun lui a dit, c'est toi Muhammad ibn Idris? Il lui a dit, oui c'est moi, au chef des croyants. Qala ma dhakaraka li Muhammad ibn al-Hassan thumma atafa ala Muhammad ibn al-Hassan faqala ya Muhammad ma yaqulu hadha huwa kama yaquluhu qala bala walahu min al-ilmi mahallun kabir walaysa alladhi rafa alayhi min sha'nihi. Et il a dit, donc, Harun al-Rashid lui a répondu, Muhammad ibn al-Hassan ne m'avait pas parlé de toi. Et il s'est retourné vers Muhammad ibn al-Hassan et lui a dit, oh Muhammad, est-ce que ce qu'il dit c'est vrai? Il a dit oui. Et donc Muhammad ibn al-Hassan, le grand élève d'Abu Hanifa, il a défendu l'imam al-Shafi'i. Donc, al-Salaf entre eux, ils défendaient celui qui avait la piété et l'ilm et le suivi de la sunna, pas celui qui suit Abu Hanifa ou Malik ou Shafi'i. Et il lui a dit, c'est quelqu'un qui a un grand bagage de science. فقال فخذه إليك حتى أنظر في أمره. Donc Harun al-Rashid a dit à Muhammad, il lui a dit prends-le auprès de toi jusqu'à ce que je réfléchisse sur sa situation. قال ابن كثير فحمل الشافعي على بغل في قيد إلى بغداد فدخلها في سنة 84 و100 وعمره 30 سنة فاجتمع بالرشيد فتناظر هو ومحمد بن الحسن بين يدي الرشيد وأحسن القول فيه محمد بن الحسن وتبين للرشيد براءته مما نسب إليه وأنزله محمد بن الحسن عنده وكان أبو يوسف قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين وأكرمه محمد بن الحسن وكتب الشافعي عنه وقر بعير. Donc là, Ibn Kathir répète un peu toute la situation et il mentionne à la fin que Mohammed ibn al-Hassan, il a honoré al-Shafi'i et il l'a bien accueilli chez lui et il l'a hébergé et qu'en contrepartie al-Shafi'i a pris la science de Mohammed ibn al-Hassan et il a écrit de Mohammed ibn al-Hassan ce que peut porter un chameau en livre. Donc on va s'arrêter là et comme vous vous en doutez, qu'est-ce qu'on va faire ? On va continuer après l'Aïcha. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk.